pris sur le vif. Écoutez. Bonjour, Paul. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Répétez. Bonjour, Paul. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Écoutez. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Répétez. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Écoutez. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pierre. Comment vas-tu? Bien, merci. Répétez. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pierre. Comment vas-tu? Bien, merci. Écoutez. Bonjour, monsieur. Je me présente. Je suis Jacques Martin. Bonjour, monsieur. Enchanté de faire votre connaissance. Répétez. Bonjour, monsieur. Je me présente. Je suis Jacques Martin. Bonjour, monsieur. Enchanté de faire votre connaissance.